derrière les prémices. Je fais ça comme à l'époque, répète dans les chiottes du TGV. Laisse-moi t'ouvrir, ma boîte à sourds. Ok. Me voilà nostalgique, entre deux crocs dans mon queue grès, rappant le passé, concert au palais des regrets. Des poteaux m'entourent mais plus autant qu'avant. Le sablier se vide et me laisse un paquet d'absents. Dans cette course contre l'horloge, on veut l'or et les éloges avant de s'en aller comme des proches. Depuis des piges, des pages se remplissent à mesure que nos vies et que nos chants se noircissent. Mais les années de poisse n'arrêtent pas le kiff. Dans une cave à musique, je me souviens les prémices. À 14 piges, on m'appelait déjà l'ancien. Je balançais les textes, laissais les MC en chien. Une époque saine, je te raconte mes kiffs à l'ancienne. Arnold et Willy se tapaient des barres à l'antenne. Moi, je gommais les zéros sur mes bulletins scolaires. Aujourd'hui, je voudrais en rajouter sur mes bulletins de salaire. Et ouais, les temps changent comme les humeurs et les hommes. Dans nos zones, la rumeur dit que le bonheur est dans le humeur. On vit bêtement, on veut le vérifier. La pute entre les jambes, on veut affronter la légende. Les gosses dans le Game Boy ne jouent plus à la Game Boy. Les minettes sur Internet parlent de sextoy. À l'âge où ma vie se résumait au foot, gardien, surveille ta cage, y'a de l'effet dans mon shoot. Tempérament Mark Landers à l'ancienne. Lève le bras tel un Black Panther à l'ancienne. Mes convictions incrustées dans chaque note de chaque son. Nostalgique dans mes partitions. Kiff t'entends, pas kiff dansant, mais kiff à l'ancienne. T'ambiance, nouvelle tendance. Je les vois tous dans la mouvance du South Dirty. Moi je songe à mes kiffs à l'ancienne sur un son de Murphy. Bon son, brut, la statique, elle est reste. Retour au kiff, reste au vrai kiff. Mais quoi que tu viens du ghetto. Retour au kiff. Chargeur de mon sang, l'émission sur tes fonds qui sont. Retour au kiff, reste au vrai kiff. Mais quoi que tu viens du ghetto. Ma stratégie a un nom, alors c'est passage en force. Lyrics explicites, avec quelques passages en morse. Pour mes semblables, ah bon, c'est toi le plus fort, sans blague. À mon avis, t'es encore un de ceux qui s'emballent. Autrefois j'étais apprenti, aujourd'hui j'enseigne. Et quand sonne l'heure de la scène, je fais face à la foule, les doigts dans le zen. Tel un gars de la zone, avec mon air de fennec. Tu crois quoi? Je suis entré dans ce bis par la fenêtre. Je suis pas dans le hip-hop, BCBG, je fais ça comme à l'époque. Répète dans les chiottes du TGV. Profite de ma jeunesse pour défoncer des portes. Pour le hip-hop et ses codes, c'est l'un des mon école. Que rien ne m'étonne sur les ondes, la vie s'achète en spot de pub. Ça mérite qu'on leur botte le huc. Pas du genre à faire des courbettes, ni caresser l'industrie dans le sens du poil de la bête. Bon son, brut, la statique, elle est reste. Retour au kiff, reste au vrai kiff. Mais pas que tu viens du ghetto. Retour au kiff. Chargeur de mon sang, l'émission sur tes fonds qui sont. Retour au kiff, reste au vrai kiff. Mais pas que tu viens du ghetto. Ok, maquetto. Retour au kiff à l'heure où c'est la course au bif. On vit dans une époque où tout nous pousse au vice. Tout le monde veut gratter, c'est pour ça qu'on sort tous nos griffes. Tout le monde veut rapper, mais ne mettez pas tous vos pifs dans mes affaires, mais qu'on est un peu tous fautifs. Si le peu raflaire et qu'il devient le contraire de ce qu'il est censé être, on vient lui redonner ses lettres de noblesse. Pour que les sensations que j'aime renaissent. De temps d'un titre, je me refais une deuxième jeunesse. Je me revends moi et mon équipe au local Jess Owens. Une histoire que tous les anciens dans la thèse connaissent. Un deuil là-bas, on était traite dans les jazz. Youssef et Mousse étaient les premiers à me soutenir. C'était trop yes, laisse-moi t'ouvrir ma boîte à souvenirs. Dans ma tête résonnaient les dames, dames de l'Afrique. Dans Paname fleurissaient des tatas dans la street. J'ai trouvé la formule secrète avec mes partenaires. On savait que le monde de demain nous appartenait. Le mot d'ordre c'était de cartonner. Un délire hors norme, tout droit sorti de nos checkers paumés. Entrer dans le move avec la mentalité girl. T'as pas pour entrer dans leur moule, mais m'occuper de leur cas. De leur boue, qui leur qu'on s'est fait les dents sur le tas. Nous les rappeurs issus de l'école du micro pétard. Aïe, il s'agit d'un détournement de son. Qu'un geste un original MC sur une mission. C'est plus l'époque des concessions, mais celle des coups de pression. Trop de concessions, le peur a s'est trop fait défoncer le fion. Même si t'es pris de vitesse, connard, tu dors, j'ai la dalle. Comme à l'époque des frites merguez à Gare du Nord. Élevé au reggae rap, funk sous le rail. Retour au kiff pour le feu, la quête, à rouler braille. J'viens pas du rock, j'suis à l'ancienne. Retour au kiff. Que des gangsters et des bandits, m'excuse, j'viens pour rapper. J'suis pas dans le hip-hop, BCBG. Dommage que t'as les gens fassent trop d'incompétents. Retour au kiff. Là où quand j'écris ces phrases, je puise l'extase. Que des gangsters et des bandits, m'excuse, j'viens pour rapper.